Voici Martial Bouchard, directeur général de la Caisse Desjardins Domaine du Roy. Caisse Desjardins du Domaine du Roy est fière de vous présenter la chronique sportive des Sabres Junior 2A de Robertval. Impliquée dans toutes les communautés de la MRC du Domaine du Roy, la Caisse vous invite à suivre ses nombreuses promotions sur sa page Facebook et à rencontrer ses professionnels pour tous vos projets, peu importe l'ampleur. Bonne saison 2016-2017 au Sabre. On va parler de golf avec notre ami Pierre-Alexandre Bédard. On devait lui parler lundi, faire un peu le bilan du Mackenzie King. On s'est manqué quelque part, quoi qu'il en soit. Mieux vaut tard que jamais. Salut Pierre-Alexandre. Salut Denis. Pierre-Alexandre, j'ai vu sur ta page Facebook que tu n'as pas fait la coupure, mais tu étais quand même content. Exactement. J'ai joué deux rondes de 72 pour un total de plus 2 pour manquer la coupure par 4 coups. C'est une première expérience pour moi. C'est sûr que j'ai appris beaucoup là, cette semaine par rapport à tout ça. On a joué un terrain qui était quand même assez difficile par rapport à ce qu'on joue normalement sur le circuit qui est notre photo. Ouais. Donc, c'était quelques ajustements, mais dans l'ensemble, là, c'était une belle semaine avec la famille encore. Puis, j'ai bien aimé ça. Le terrain est-il bien dur? Le terrain était assez long, en fait. Okay. On transformait le parcours qui était un normal 72 en normal 70 en prenant deux par 5 de 505 verges, puis en les mettant par 4. Donc c'est sûr que pour ça c'était un bon challenge de golf là, pour nous cette semaine. OK, OK. Parle-moi maintenant de la préparation. J'imagine que tu n'as pas lésiné sur la préparation parce que tu me disais sur les médias sociaux que c'était probablement le plus gros tournoi de golf de ta vie. Exactement. Un top 20 cette semaine, la semaine passée me permettait là, de jouer la semaine d'après, le tournoi d'après si on veut, qui était en Alberta. Dans deux semaines. Donc, c'est l'objectif, en fait, c'est de faire la coupure, puis après ça, de regarder vers l'avant pour aller faire un top 20. Malheureusement, j'ai pas fait. J'ai eu une bonne préparation, par exemple. J'étais sur les lieux à Montréal lundi, puis j'avais pratiqué mardi, j'ai pratiqué mercredi, j'ai joué beaucoup de trous au travers de ces deux journées-là. Okay. Puis, j'étais prêt pour mon départ de jeudi. Malheureusement, la température n'a pas été clémente avec nous là, la semaine passée. On a dû arrêter une journée et demie de jeu en raison de fortes pluies et puis d'orages. Mm. Donc ça a rendu la tâche un petit peu plus compliquée aussi. Là. OK, OK. Dis-moi maintenant, si on parlait un peu de la compétition, il y avait quand même de gros joueurs qui étaient là. Il me semble que Lee McElroy, c'est un gars connu. Il était là, lui? En fait, c'est Lee McCoy. Lee McCoy, ouais, mais il me semble, ouais, OK, mais il me semble que j'ai entendu entendu son nom sur la PGA, ça se peut-tu? Il y a de fortes chances, en fait. McCoy avait déjà fini troisième dans un tournoi de la PGA. OK. C'était un amateur qui jouait à l'universitaire. Puis là, il a tourné, il a fait le saut professionnel cette année. Il y avait aussi Jared Dutoit, qui a joué l'année passée le Niom RBC, le Canadian Open. Ouais. Qui va avoir lieu cette semaine, justement, là, à Glenabé. Lui, il avait terminé, il était dans le dernier groupe des leaders l'année passée, après trois ronds. Donc, il y a un paquet de joueurs là, qui avaient vraiment de la bonne expérience sur le circuit de la PGA. Puis, environ 5 à 6 golfeurs qui participaient cette semaine au tournoi vont jouer le Canadian Open cette semaine. Donc, okay. Plusieurs bons joueurs qui étaient là. Puis c'était pour ça que c'était un beau tournoi pour moi de, encore une fois, tester mon niveau de jeu. OK. Si on parlait un peu aussi des prochaines semaines, il arrive quoi avec toi, là? Présentement, je suis à Saint-Georges-de-Beauce. OK. Tournoi cette semaine de 4 rondes. Hier, on avait un petit shootout, une petite compétition là, amicale là, avec une dizaine de golfeurs. Puis aujourd'hui, c'est le pro-am, ronde de pratique. Puis le tournoi commence pour moi demain matin à 7h15. Demain matin, je vais prendre mon envol là, sur le trou numéro 1. Okay. Puis, c'est ça, dans le fond, un tournoi de 4 ans, mais un des plus gros tournois sur le CCPT cette année. 18 000 $ en bourse aux gagnants. Donc, c'est sûr qu'il va y avoir une coupe après deux rondes encore une fois. Puis, l'année passée, j'avais bien fait. J'avais joué moins 18 sur ce parcours-là. Donc, j'espère encore une fois là, bien performer là, cette saison, cette année aussi. OK. Puis, Alexandre, je disais la semaine passée le Journal de Montréal, puis on parlait de cet omnium-là, puis on disait que c'était un gros tournoi, puis. On mentionnait les Québécois qui étaient à surveiller, mais ton nom ne revenait jamais. Pourtant, il me semble que tu étais un bon golfeur sur la scène du Québec. Est-ce que c'est normal? Je sais que Michel Lallemand m'a dit que c'est parce que quelque part, on te voit comme la relève. C'est pour ça que ton nom sortait pas, c'est-tu vrai? Écoute, moi, je viens plus de la région un peu éloignée. Ouais, c'est-tu pour ça? De Montréal, c'est ça. Je suis moins touché par là parce que trois quarts des joueurs du Québec viennent de là, donc ils parlent de leur, ouais, de leurs joueurs dans leur région respective. Mais écoute, ça m'affecte pas pantoute. Non. C'est sûr que je suis un joueur dangereux. D'ailleurs, dans le Soleil ce matin, vous pouvez voir qu'ils mentionnent mon nom, puis ils ont fait un article sur moi disant que j'étais un joueur dangereux cette semaine. Y a-t-il une grosse différence entre toi et Hugo Bernard? Parce qu'on a parlé beaucoup. Ben Dave Lévesque, au Québec, il y a Dave Lévesque. Tout le monde connaît Dave Lévesque. Ça fait des années qu'on entend parler. Mais à part ça, là, on entend parler d'Hugo Bernard. Y a-t-il une si grosse différence que ça? Écoute, ça fait quand même un petit bout que je n'ai pas joué avec lui. Donc, savoir sa game, ton niveau de jeu rendu à quel endroit, c'est ça, c'est une bonne question. Je peux, par contre, je sais que c'est un très, très bon golfeur. Okay. Dans le temps, quand on était amateurs ensemble, on rivalisait beaucoup. Puis présentement, là, il fait partie de l'équipe de Golf Canada amateur. Okay. Donc, ça lui permet de voyager. Puis je pourrais dire depuis un an que son niveau de jeu est vraiment, vraiment augmenté en raison de ça. Là, il voyage partout au travers le monde pour jouer les plus gros tournois amateurs au monde. Donc, c'est sûr que pour lui, ça a été vraiment une belle chance, une belle occasion d'améliorer sa game. Au niveau des âges, y a-t-il une grosse différence entre les deux? Il est-tu plus vieux, plus jeune? Quelques mois. Il est plus jeune de peut-être 2, 3, 4 mois, là, environ. Okay. Ben Pierre-Alexandre, félicitations quand même, puis on continue de te suivre de très, très, très près. Parfait, merci Daniel. Le golfeur de Chipougamau, Pierre-Alexandre Bédard.